quand il pleut, le soleil, il est là, il essaye de percer. D'envahir comme il peut un peu l'intimité du ciel. En douceur, un rayon, c'est du jaune au crayon de papier. Pour marquer en couleur la prochaine fumée d'un avion. Et pour éviter les histoires, c'est moitié bleu et moitié noir dans les cieux. Comme il est venu sans bagage, il s'habille d'un ou de nuages jaune et bleu. Un peu d'eau d'aquarelle, ça fait un arc-en-ciel, c'est l'été qui promène son pinceau pour que juillet lui soit fidèle. Et s'il laisse des larmes pleuvoir, c'est pour éviter la bagarre dans les cieux. Le désert, c'est son territoire, les couleurs de son étendard, jaune et bleu. Tes pensées ont les ailes mouillées et tu rêves de ciel bleu jusqu'à l'été d'une Mirabelle. Si je peux, le soleil, s'il écoute mes conseils avisés, il viendra comme un dieu épier nos secrets, demoiselles. Et s'il n'aime pas trop nos bagarres, on se passera de ses phares, de ses feux. On peut faire l'amour sous l'orage, car ils sont bien loin. On peut faire l'amour sous l'orage, car ils sont bien loin des nuages, tous nos jeux. Oh,